Merci à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr en cette veille de réveillon de la Saint-Sylvestre. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne année. On va faire une émission un peu particulière, le top de l'Asile le plus sûr, donc un peu les disques qui nous ont marqué cette année. Non pas une sélection exhaustive, plutôt quelques pépites qu'on a piochées tout au long des programmations annuelles de l'émission L'Asile le plus sûr, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le blog asile35.blogspot.com. ou à partir du mixcloud.com/redman. Alors accrochez-vous dans votre fauteuil, ça démarre tout de suite avec les Rhinocéros et leur troisième opus pour ce trio de Washington DC. Ils ont sorti ce disque sur le label de John Zorn, Tzadik, un peu avant l'été 2015. Les deux précédents étaient d'ailleurs également parus sur ce même label. Donc les Rhinocéros, en français dans le texte s'il vous plaît. Michael Coltune, basse, Amit Pellet, guitare, Jonathan Burrier à la batterie et une demi-douzaine de guests qui à la clarinette, qui au sax, qui à la derbouka. Et toutes les compositions sont d'ailleurs signées par le bassiste et on évolue dans un registre sonore Secret Chief 3, pour faire simple, entre tradition moyen-orientale ou un peu yiddish sur les bords, avec des mélodies plutôt simples mais passées à la moulinette de ces rhinocéros. Et on écoute le titre Tankamba reprise, c'est le morceau qui ferme cet album doublement appelé 3 en chiffres romains. We'll be right back. You have such an awesome talent. I totally enjoyed hearing everything you had to say and seeing your drawings. Thanks so much for coming to camp. I learned a lot from you. If I see further than any other man, it's because I stand on the shoulders of giants. Show me more antipathy. Deux excellents disques de 2015 qui nous ont marqués, plutôt estampillés dans le registre du free rock matinée de prog rock un peu dada. Tout d'abord les Rhinocéros avec leur troisième opus, c'est sorti chez Sadik en CD et c'est plutôt du rock qui envoie avec des musiques un peu moyen-orientales, des airs et des thèmes qui sont passés à la moulinette par ce trio, et on a enchaîné ces Rhinocéros avec Stepmother, qui était l'une des découvertes de cet automne, même si le disque est sorti fin de l'année 2014, ce Cavalry Greetings, tout d'abord en CD. Le vinyle est sorti un peu plus tard, au printemps de cette année, publié par Megaphone et Knock 'Em Dead Records, pour ce nouveau projet Dada Rock Ultra Zapien en Diable, dans lequel on retrouve deux Hollandais, Lucas Simonis de Dull Chic Soul, Cool Heaven ou encore Vril, et qui a collaboré aussi aux côtés de Monsieur Pierre Bastien et Verwen Visser, qu'on connaît principalement pour des formations avec Ami Demio, les Pale Nudes notamment, et c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup côtoyé ZX en tant qu'ingénieur son. Et il y a deux anglo-américains aussi dans cette formation, Bill Gelonis, légende du free rock britannique, notamment au sein de The Work ou de The Hat Shoes, et David Kerman, le batteur émérite du poste Rock in Opposition, notamment au sein des Five UUs. Donc un all-star band pour ce Stepmother, et un disque très très réussi, donc du punk post-punk à la sauce Monty Pythonesque, avec des vocaux assez fantastiques sur la plupart des titres, et on pense vraiment à un héritage de Frank Zappa pour ce disque Cavalry Greetings. Et on va continuer avec un projet italien, puisque cette année 2015 dans l'Asie de Psyr a été aussi très marquée par l'Italie, notamment à l'occasion de la sortie de la compilation Nostra Signora della Tenebre autour du psychédélisme occulte italien, double vinyle qui était sorti chez Backwards. On avait aussi enregistré une spéciale, c'était le lundi de Pâques très exactement, cette spéciale musique italienne psychédélique contemporaine. Et là je propose d'écouter un groupe, peut-être l'un des premiers qui nous a marqué dans le registre. Il s'agit de Heroine in Tahiti, duo romain issu d'un collectif basé à l'est de Rome, composé de Valerio Mattioli et de Francesco De Figueiredo. Ils viennent de faire paraître en cette année 2015 un tout nouvel opus. C'est sorti, si je me souviens bien, au mois de mars, ce disque Sun and Violence, sorti en double vinyle chez Boring Machines. Et on écoute le titre Zatla Aitas de Heroine in Tahiti. Yeah. pawns, rhythms rattle on deaf pawns, rhythms rattle on deaf pawns. Risen on dawn, rhythms rattle on deaf pawns, rhythms rattle on deaf pawns, rhythms rattle on deaf pawns, rhythm rattles on deaf pawns, rhythms rattle on deaf pawns, rhythms rattle on deaf pawns, la la la na na na pawns. Risen. Le plus sûr sur Tadu 94 MHz, deux disques de l'année 2015 qu'on vous a pioché dans un palmarès qu'on vous propose ce soir. On a démarré avec les fameux Heroin in Tahiti qui sont des Italiens, duo romain dans ce registre de l'occultisme psychédélique qui est assez à l'honneur en Italie dans les scènes expérimentales ces derniers temps. On a pu le constater avec pléthore de formations, je pense notamment à Squadra, Omega, les Lay Lamas, pas mal de musiciens qui sont sur cette double compilation qui est sortie sous le titre Nostra Signora della Tenebre. Et donc Heroin in Tahiti avec un double album sous le titre Sun and Violence qui était assez emblématique de cette scène pour ce duo romain qui signait là son peut-être son album le plus convaincant, en tout cas un album fleuve et plutôt très très réussi, qu'on a enchaîné avec la musique de Madame Giulia Loli qui elle aussi est d'origine italienne mais qui vit aux États-Unis. Elle a aussi des origines égyptiennes et ça s'entend dans sa musique, notamment sur ce 33 tours sous le titre Symbols Follow, publié par le label Discrépante au printemps. Donc une musique assez étonnante qui passe allègrement de complaintes de cordes frottées et pincées, comme vous entendez en fond sonore, à de l'électro-clash qu'on pourrait penser issu des souks du Caire et des voix glitchées un peu façon poésie sonore que ne renierait pas Madame AGF. Donc un disque vraiment fantastique, c'est peut-être mon disque préféré de l'année, ce disque Symbols Follow de Mutamassa. classique avec un K, et c'était aussi histoire d'illustrer un peu tout ce que tout le bien qu'on peut penser du label britannique Discrepante, qui a sorti des choses vraiment très très bonnes, notamment autour des groupes libanais Malayine ou encore Johnny Kafta Anti-Végétarian Orchestra, également des musiques un peu autour des side projects des Meridian Brothers et autres Piranhas, et aussi des choses un peu plus expérimentales dans le registre du sound recording. Voilà pour le label Discrepante, et on va enchaîner avec un autre disque vraiment très très réussi de l'année 2015. Il s'agit du duo entre David Marana et Elena Epsvall. L'album s'intitule Sombras Incendiadas, sorti en vinyle sur l'étiquette 3-4 Records, qui est un jeune label de Lausanne. C'est sorti à la mi-janvier 2015, ça a été enregistré à Lisbonne. David Marana est au violon et orgue électrique, c'est le mentor du projet expérimental portugais Osso Exotico, qui existe depuis les années 90. Et il rencontrait Elena Epsvall, qui est violoncelliste et d'origine suédoise, basée à Philadelphie et membre de pas mal de projets, notamment Anaïta ou encore Espers, un peu dans le registre de l'acid folk américain. Et ce disque est assez emblématique d'un certain nombre d'albums de drone sur corde sortis cette année. On pense notamment à Toad, le projet de Yann Gourdon de France, ou encore Tans Main Earth. Je propose d'écouter un titre assez long de ce duo entre David Marana et Elena Epsvall. L'album s'intitule Sombras Incendiadas. C'est vraiment un pur bijou. Et le titre qu'on va écouter l'est également. Il s'intitule Resonating Night. Thank you. Thank you. toujours dans l'asile, le plus sûr sur antenne du 94 MHz, l'asile qui faisait sonner les cloches de la Noël, avec tout d'abord David Marana et Elena Ebsvold. C'était le premier disque sorti en vinyle chez 3-4 Records, qui est une jeune étiquette, une jeune marque de disques qui est basée à Lausanne, qu'il faut soutenir parce qu'il propose vraiment des disques de qualité, à l'image de ce son brass Incendiadas, dans lequel on retrouve le violoniste et électroacousticien portugais aux côtés de la violoncelliste Elena Ebsvold pour du drone assez abrasif et particulièrement fameux. Et on a enchaîné ce son brass Incendiadas avec le nouvel album de notre camarade Dominique Grimaud, qui est l'auteur du générique de l'Asile le plus sûr, que nous avions reçu d'ailleurs à l'occasion de la sortie de ce disque en compagnie de Véronique Villet, disque co-signé sous le titre A, avec 2A, 2H et 2 points d'exclamation. C'est sorti en 33 tours chez Bam Balam Records, excellent label underground bordelais, et donc mélange Moog Source, Synthiekes, Prophet et autres batteries guimbardes de percussion pour ce disque vraiment très très bien produit par ces deux lascars qu'on salue bien bas pour cette réalisation. On avait eu l'occasion de s'entretenir avec ces deux loustiques pour des explications autour de la musique qu'ils produisent ensemble depuis 2-3 ans, et je crois qu'il y aura une suite, un disque qui est en préparation chez Impolisson d'ici quelques mois. Voilà, on va continuer avec ces sélections un peu repêchées de l'année 2015, les disques qui nous ont marqués en cette année, avec une séquence assez longue, là encore plutôt dans le registre un peu dada. Ça va commencer avec Acolytes, qui est un mystérieux projet londonien de l'énigmatique Deshan, qui avait sorti un premier 45 tours et qui a signé un premier album long sur le label Alter de Luke Younger, l'ex Birds of Delay, musicien électronique aussi sous l'alias Helm, qui produit des choses vraiment très très bonnes, et notamment ce disque assez étonnant donc de Acolytes, qui est un projet donc complètement cintré dans un registre un peu post Nursewifund. Ça fait aussi penser à la musique des gens de The Homosexuals et autres productions un peu façon Residence ou Ralph Records. Album éponyme dont on va écouter le titre Filler Potentially Embarrassing. L'album est vraiment bon de bout en bout, je l'ai écouté vraiment beaucoup en boucle cette année, ce Acolytes qu'on écoute tout de suite. Type session conduct, everyone just live your life. In mind just slips like white. Type session conduct, everyone just live your life. In the mind just slips like white. Thank you.

good lady. When you're walking out, many people, many trains, close your eyes and feel about. See where you stand. Oranges and velvet underwear. When you're walking out, many people, many trains, close your eyes and feel about, see where you stand, oranges and velvet underwear, the smell of oranges, the touch of velvet underwear, they make me forget the rain is at our door. There are no more plastic cups to hold it. Orange juice and velvet underwear. In a darkened room, when you can't find the shampoo, close your eyes, baby, and feel around. See where you land. Your hand on my neck still smells of oranges, and the rain is at our door. Marmalade on velvet. And there is no more orange juice, no more velvet underwear. Yes, orange are with you. And there is no more orange juice. There is no more velvet underwear. Gentle boys are with you. Un petit collage montage de 4 pépites de l'année 2015 selon l'asile le plus sûr. Tout d'abord, on a entendu Acolytes et ce premier album éponyme du mystérieux projet londonien de Monsieur D. Chan, sorti chez Alter Records en fin d'année 2014, début 2015. On l'a découvert un peu avant l'été et on a vraiment écouté cette musique en boucle qu'on a enchaîné avec Amos and Crew et le disque True Tears, qui était une cassette qui avait été publiée en Angleterre sous étiquette It's War Boys, le label d'autoproduction du combo post-punk The Homosexuals, dont on redécouvre la musique notamment grâce aux rééditions du label de San Francisco qui n'est pas en reste en psychédélisme Supérieur Viaduct. Donc réédition vinylique, selon l'insert, cette musique fut enregistré à Tokyo dans la cuisine de Monsieur Kitamura et ça a été réédité au mois de mars en coproduction avec War Extension. C'était donc le projet de Monsieur Amos, Jim Walton, ex-bassiste de The Homosexuals et qui a eu pas mal d'alias, notamment El Vuact. Je vous avais proposé aussi le 33 tours récemment sorti chez Supérieur Viaduct sous le titre The Way Out et puis pas mal d'autres groupes sous des alias tels que Narky Brians, Xandos Frey Brantos ou encore King Cobra et puis tout un tas de déclinaisons notamment en cassette Amos and Sarah, Amos and Superlix, donc de la musique underground britannique plutôt marquée par un esprit assez dada par monsieur Amos et donc cette cassette True Tears qui fut enregistrée lorsqu'il officiait à la basse au sein de The Work, et notamment lors de cette fameuse tournée au Japon qui donna lieu à un vinyle de la formation The Work chez Recommended Records. On a enchaîné Amos and Crew avec le fameux coffret Commencing de Volcano The Bear, qu'on vous a passé abondamment depuis sa sortie au mois de novembre sous étiquette Miasma Records, coffret anniversaire du combo de Leicester qui regroupe les pièces depuis le milieu des années 90 lorsqu'ils étaient en quartet avec Nick Mott jusqu'aux productions les plus récentes, et donc des inédits, 64 pièces et 10 bonus d'ailleurs à télécharger, et un coffret de 50 pages qui regroupe pas mal de photos, de flyers, de posters et un peu toute la légende du combo Volcano The Bear. Et on a terminé avec une réédition qui m'enchante, je dois vous dire. Il s'agit de celle du groupe Dada très très mystérieux Intersystems, qui a existé entre 67 et 69 du côté de l'université de Toronto et qui était très très influencé par la Beat Generation, aussi par les expériences de Timothy Leary autour du LSD, et puis la musique de John Cage, les expérimentations sonores, les happenings de l'époque. Donc une musique brute avec pas mal de spoken words et un coffret souvenir pour les collectionneurs, réédité par le label d'Emanuele Carcano Algamargen. C'est un triple CD et aussi un triple vinyle, coffret très très très luxueux pour le vinyle, avec 132 pages en livret, quantité d'anecdotes, de souvenirs, les poèmes colligés, des illustrations, tout un tas de textes autour de la scène arty canadienne de cette époque, également un fanzine qu'ils avaient édité à la même époque, et les trois disques de Intersystem, comme ce Number One qui datait de 1967, très très mono, de même que les deux suivants, Peachy et Psychedelic Poster Inside, mais qui ont été réédités et remasterisés notamment grâce à Giuseppe Ielasi. Voilà, vous savez tout sur ce coffret Intersystem. Vous pouvez même vous l'offrir pour le Noël de l'année 2015. On va continuer avec la musique de Delphine Dora, pianiste, chanteuse, organiste, qu'on a découvert aussi cette année 2015, qui oscille entre minimalisme, folk assez acide et improvisation microtonale. Elle a fait paraître un disque qu'on avait beaucoup aimé, avec lequel on l'avait découverte, sous le titre Près du cœur sauvage, sorti chez Wild Silence, qui est son propre label. Et elle a sorti aussi en parallèle pas mal de cassettes, par exemple très récemment aux côtés de Sophie Cooper au trombone et électronique, également un mini 25 cm sous étiquette Ukraina Records aux côtés d'Héloïse Descases du duo Halt. Mais là je propose d'écouter Delphine Dora en solitaire, extrait de ce Près du cœur sauvage, et on va écouter L'obscurité du silence.

Dans l'asile de plus sûr sur antenne du 94 MHz, trois titres enchaînés. On a démarré avec Delphine Dora et son excellent disque Près du cœur sauvage. C'est sorti, c'était sorti en CDR. C'est pas très, très souvent qu'on chronique des CDR, plutôt des cassettes maintenant. C'est sorti chez Wild Silence, cet excellent disque de Delphine Dora qui s'autoproduit et qui sort aussi des disques à droite à gauche, plutôt sur des micro-labels. Une musique assez fragile qui fait pas mal penser à ce que pouvaient faire aussi ses consoeurs Islaja et autres Launo du côté de la Finlande. Donc des voix un peu feutrées, un peu qui partent un peu en vrille, et des compositions un peu microtonales entre folk acide, improvisation pianistique. On sait pas trop où on se place. En tout cas, c'est une musique vraiment fantastique qu'on a découverte cette année 2015. On a enchaîné la musique de Delphine Dora avec celle du soufflant hollandais Jorrit Dijkstra, qui est assez coutumier des mélanges entre ses instruments à vent et l'électronique. D'ailleurs, il joue aussi d'un instrument mixte qui s'appelle le lyricon, et c'est un musicien batave qui vit aux États-Unis et qui joue beaucoup aux côtés du pianiste Pandelis Kandaliogis, avec lequel il a un label en commun sous le nom de Drift Records, et qui a produit son nouveau disque sous le titre Never Odd or Even, disque solo, donc où il mélange différents instruments à vent et aussi l'électronique et les synthétiseurs analogique, disque vraiment réussi de bout en bout. Et on a terminé avec un disque qu'on vous avait proposé sur plusieurs émissions. Il s'agit du collectif le Drifting Box Celebration, avec le disque Neucol, sorti sur l'excellent label de Reims Bicoc, mélange free rock, noise, musique improvisée. Quant au Drifting Box Celebration, c'est le projet du batteur Sylvain Marty du collectif Musique en Friche de Clermont-Ferrand, qui est assez actif depuis une quinzaine d'années, et donc un mélange entre contrebasse, sax, clarinette, trombone et violoncelle du plus bel effet, ce disque Neucol de Drifting Box Celebration. On va enchaîner avec un autre disque dans le registre du jazz contemporain qui nous a beaucoup marqué cette année. Il s'agit de la troisième production du Two Rivers Ensemble de Amir El Safar sous le titre Crisis, un disque sorti un peu avant l'été sur Pi Recordings. Le Two Rivers Ensemble, avec lequel il explore les relations entre jazz et les modes et les différents makams moyen-orientaux. Et là, il s'agit d'une suite composée à l'initiative du festival de Newport de 2003, dans lequel le trompettiste et compositeur Amir El Safar utilise les mots du poète irakien Abdul Ghaffar Al-Akras, musique très très spirituelle entre harmonie occidentale, influence du jazz contemporain et aussi influence arabe de l'Égypte au Liban. Et Amir El Safar est lui-même à la voix et au centour, en plus de la trompette, un disque vraiment brillantissime dont on écoute le titre El Shab, extrait de ce Crisis par Amir El Safar et son Two Rivers Ensemble. Thank you. cet excellent disque de Amir El Safar et son Two Rivers Ensemble sous le titre Crisis, sorti chez P Recordings, disque vraiment hautement recommandable, que se conclut cette émission de l'Asile le plus sûr, florilège de l'année 2015. Je vous proposerai d'ailleurs des bonus sur le site asile35.blogspot.fr. Un dernier titre est le 15e disque que je propose ce soir, qui est un extrait du disque de l'Orchestra Omar, qui regroupe pas moins de 7 guitaristes, et notamment les gens de Construct, monsieur Umut Saklar à l'électrique guitare. Construct qui a sorti quantité d'albums cette année, notamment en duo aux côtés de William Parker ou encore de Akira Sakata, également des disques en solo et aussi un disque avec Joey McPhee, sorti cet automne sur étiquette Omelot Records, également un disque qui va sortir dans pas longtemps sur Holidays Records en début d'année en compagnie de monsieur Peter Brossman, mais là on le retrouve aux côtés des gens de Malayin, du Atrio, des musiciens aussi égyptiens Sam Chalabi ainsi que Maurice Luca, qu'on a connu aussi avec un disque sous le titre Salute the Parrot. C'est un titre très très long que je propose pour conclure sous le titre The Impropriety of Longing. Très très bonne nuit, très très belle année 2016, tout plein de bonnes choses à vous. On se retrouve l'année prochaine, je vous dis à très bientôt. We'll be right back.

Thank you.

Thank you.